Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise hein, bien sûr, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2023 où je me trouve avec Maxime Gérard, le fondateur de Cuisine Venidom. Alors bonjour Maxime, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter personnellement ? Bonjour, donc, je suis Maxime Gérard, j'ai 39 ans. J'ai créé le concept des cuisines Venidom en 2011. Dieu que ça fait le vite, ça fait déjà 12 ans. J'ai toujours été moi dans le métier de la cuisine équipée, puisque comme je le dis souvent, ça se voit, je suis un technicien installateur de formation. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui était dans les bureaux, ou je suis un technicien pur de la cuisine équipée. J'ai grandi dans un magasin de cuisine. J'ai ouvert mon premier magasin d'ailleurs à 21 ans. J'ai vu ce que c'était que d'avoir des charges traditionnelles comme une expo à payer, un loyer et surtout du chauffage. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'était déjà le cas. Et m'est venue l'idée en 2011, oui, de créer un concept de camion-magasin où on pourrait aller directement au domicile des clients, d'où le nom Venidom, venir à domicile. L'idée d'aller directement avec un camion-magasin chez nos clients particuliers. Alors on a bien compris que votre concept était un concept original. Est-ce que vous pourriez nous en dire juste un tout petit peu plus ? On est vraiment la première franchise au monde de camion-magasin. Il existe des indépendants qui ont mis des cuisines dans un camion et qui leur permettent d'être itinérants, mais en tout cas en franchise, on est les premiers et les seuls à l'avoir fait. On sait parallèlement que le contexte actuel est un peu mouvementé, hein. Je pense notamment à la crise sanitaire du Covid, la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation, bref, contexte mouvementé, on peut le dire. Alors comment se positionne votre réseau dans ce contexte ? La chance qu'on a eue justement, c'est d'être cuisiniste à domicile. Pendant le Covid, j'ai demandé aussi bien à la Fédération Française du Bâtiment, les artisans pouvaient se déplacer. Donc nous qui n'avons pas de point de vente, on ne pouvait pas ouvrir de point de vente puisqu'on n'en avait pas. Mais on avait toujours la possibilité d'aller chez les clients, évidemment en respectant le protocole à l'époque de l'OPBTP, qu'on respectait scrupuleusement. Mais donc cette phase Covid, nous on a pu la passer plus sereinement et plus sainement que d'autres magasins traditionnels. Et là, en ce moment, ce qui nous touche un peu plus de près, c'est les hausses d'énergie. Et la chance qu'on a, c'est de travailler avec un fabricant allemand qui, lui, a surstocké et qui fait qu'on n'a pas eu de rupture de charge. On a toujours pu livrer nos clients. On a eu, certes, pendant quelques temps, un délai un peu plus long que d'habitude. Mais en tout cas, on a, avec les partenaires actuels, su passer la crise au la main. On est assez content de ça. Vous êtes, j'imagine, sur un secteur concurrentiel, voire peut-être même très concurrentiel. Alors comment vous faites pour vous différencier ? Pour moi, je n'ai pas de concurrent. C'est-à-dire qu'une franchise de camion-magasin, il n'y en a pas d'autre. Il existe des indépendants qui vendent des cuisines, mais comme je dis souvent, avec des porte-échantillons et des catalogues. Et le client particulier a besoin de toucher. Il a vraiment ce rapport à la matière. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de concurrent. On a des franchises qui vendent, encore une fois, sans camion magasin, eux-mêmes le disent, c'est plus difficile de faire choisir la cuisine aux particuliers si on n'a rien pour leur faire toucher, leur montrer la qualité des produits. Donc pour moi, je n'ai pas de concurrence. Je joue du candidat, donc je me mets dans la peau d'un porteur de projet, d'un candidat à la franchise en fait. Pourquoi je choisirais votre enseigne plutôt qu'une autre ? On a travaillé beaucoup sur les valeurs de Venidom. Aujourd'hui, on ne vend plus du tout avec de remises. Depuis le début d'ailleurs de la franchise Cuisine Venidom, on a développé les valeurs honnêteté, compétence, passion. L'intérêt justement, c'est de ne pas avoir un investisseur ou en tout cas quelqu'un qui est pur financier au sein de la franchise, puisque moi-même, je vous l'ai expliqué, j'ai été gérant d'un magasin, poseur, vendeur, patron d'un camion-magasin aussi. Et donc, ça rassure énormément les porteurs de projet, que d'avoir quelqu'un qui connaît l'intégralité du processus de la cuisine équipée. Ça et nos équipes. On a notre animateur de réseau qui a 35 ans d'expérience. On a trois personnes qui travaillent dans la communication, dont une justement qui était dans un magasin de cuisine auparavant. On a cette force d'être tous issus du métier de la cuisine équipée. Donc c'est plutôt rassurant. Vous développez actuellement sous forme de franchise, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment ce fonctionnement, est-ce que vous pouvez les éclairer ? Qu'est-ce que c'est en fait la franchise ? Ça englobe tout un tas de services, des prix négociés. Je recevais mon fournisseur allemand la semaine dernière pour renégocier les prix pour déjà 2024. On négocie des volumes. Donc l'intérêt de rentrer à une franchise, c'est d'avoir des prix négociés, d'avoir un concept clé en main. Et quand je vous dis vraiment clé en main, c'est physiquement, nous on fournit les clés du camion. Tout est fait dans nos ateliers à Périgueux, en Dordogne, dans le sud-ouest. Et pour le coup, c'est vraiment un projet clé en main où la personne qui vient dans notre réseau, on va s'occuper de tout ce qui est marketing, le site web va être déjà fait, tout ce qui est l'uniforme est déjà fait, un pack com, tout ce qui lui permet vraiment de travailler au plus vite est déjà fait. Donc c'est vraiment un vrai projet clé en main pour sa création d'entreprise. Il n'est pas obligé d'aller trouver des locaux ou quoi que ce soit. L'intégralité est faite. On a négocié aussi avec des experts comptables, on a négocié avec des courtiers en crédit. On a négocié avec des assureurs pour avoir le meilleur prix des assurances. Donc on a vraiment imaginé cette franchise dans sa globalité. Tous les éléments sur lesquels un porteur de projet pourrait se questionner s'il était seul, il a des réponses en franchise. La question que se pose forcément un candidat à la franchise, hein, est-ce que c'est rentable de vous rejoindre ? Rentabilité est assurée par le fait déjà de ne pas avoir du tout de charges de structure comme un loyer, du chauffage, de l'électricité. Donc là déjà c'est une grosse somme d'argent qui est économisée. On peut vendre des projets, on a la chance d'avoir justement ce concept sans camion magasin, donc on peut se permettre le luxe d'être moins cher que certains de nos confrères avec une qualité équivalente. Tous nos meubles sont montés d'usine, on ne vend pas de kit, hein. Comme je dis souvent, on n'est pas chez les jaunes et bleus, petite référence à nos amis suédois, et pour le coup oui, la rentabilité est plus vite assurée. Après, on a une obligation de moyens, non pas de résultats. La seule chose, c'est que je ne sais pas si mon futur franchisé va lui mettre les actions en face. On a des franchisés qui sont en succès, mais très rapidement, et d'autres qui, au bout de un an et demi, obtiennent le succès qu'ils escomptaient. Mais on est certain, en tout cas, qu'avec les chances et les forces qu'on a dans notre réseau, c'est plus facile qu'avec d'autres franchises pour gagner sa vie. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette interview, donc j'aimerais vous laisser carte blanche pour le mot de la fin. Donc allez-y, quand vous voulez. Né dans notre franchise, c'est la meilleure, ça c'est évident, mais au-delà de ça, notre métier est beau. Moi, c'est un métier que je connais, j'ai 39 ans, depuis que j'ai 10 ans, je suis dans le métier de la cuisine équipée. On vend du rêve, encore une fois, on n'est pas, j'ai rien contre les assureurs, mais on ne vend pas de la peur ou quelque chose qui serait pas forcément positif. On change la vie des gens, on est indépendant, donc on n'a plus besoin de gérer des équipes, on n'a plus besoin d'avoir forcément des équipes. Donc quelqu'un qui veut créer sa société, qui n'a pas forcément énormément de fonds propres au démarrage et qui n'a pas envie de travailler avec une grande équipe ou en tout cas ne veut pas faire que du management, ben il sera le bienvenu chez Vénidorm, ce qui fait un métier agréable, la vente des cuisines, et ensuite il peut se déplacer directement au domicile des clients avec le concept du camion magasin. Donc c'est ce qui vraiment fait notre force aujourd'hui. Comment faire pour vous contacter ? Sur notre site internet www.venidorm.com ou franchise-cuisine-venidorm, et puis ensuite avec grand plaisir on étudiera la candidature du porteur de projet. Eh bien, un grand merci à vous, Maxime Gérard, et au réseau Vénidorm, pour vous être prêté au jeu de l'interview non préparé. Mais bon, vous le savez, Radio ETS est toujours là pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Vénidorm, n'hésitez pas à le contacter, venidorm.com ou franchise-cuisine-venidorm. Vous trouverez également le podcast de cette interview sur radioets.com, sur choisir-sa-franchise.com et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt, merci encore Maxime. Merci beaucoup, bon salon à vous.